triste de savoir que tu vas nous quitter, mais te voir souffrir ainsi, c'est tellement difficile aussi. Si tu existes, il y a la place pour toi au paradis. Il paraît qu'on ne souffre plus, et tu pourras même réaliser ton rêve, celui de voler avec tout ce que tu aimes. Nous tes enfants, on voudrait te dire qu'on est fier d'avoir ton nom et ton sang qui coule dans nos veines. Si tu existes, il y a la place pour toi au paradis. Il paraît qu'on ne souffre plus, et tu pourras même réaliser ton rêve, celui de voler avec tout ce que tu aimes. Si tu existes, il y a la place pour toi au paradis. Il paraît qu'on ne souffre plus, et tu pourras même réaliser ton grand rêve, celui de voler avec tout ce que tu aimes. Si tu existes, à la place pour toi au paradis. Il paraît qu'on ne souffre plus, et tu pourras même réaliser ton rêve, celui